égalité, terre de tolérance, Bénin soit béni. Bénin, Bénin, Bénin, Bénin, béni de mes aïeux. Bénin, Bénin, Bénin, terre béni, soit béni. Terre du vaudou, terre de spiritualité, terre de toutes les croyances, Bénin soit béni. Bénin, Bénin, Bénin, terre béni de mes aïeux. Bénin, Bénin, Bénin, terre béni, sois béni. Connais-tu mon beau pays, là-bas sur les côtes de l'Atlantique, limité par le Togo, Burkina, Niger, Nigeria, sa population qui t'accueille avec sourire. Connais-tu ces belles villes, Porto Novo la capitale, Cotonou le marché d'Antoba, Parakou le carrefour, Abomey l'historique, Ouida la porte du non-retour, Nati Tengu, Kwandeni, Kisanvé, Savalou, Alada, Kétou. Ce pays merveilleux. Viens voir, viens voir. Ce pays merveilleux.